所有天天理想 esprit sombre promène au bout d'un fil dans l'ombre ta face et ton profil qui t'avait déborné l'autre nuit t'étais-tu connu à quelque arbre pointu l'une en notre mémoire de tes belles amours l'histoire ta belle et la toujours tes bras le vieux pâtre seul tandis qu'à ton front d'albâtre ses togues à poivrons tes marranes pilotes dans son vin bâtiment qui flotte sous le clair firmament et la fillette preste qui passe les buissons pieds lestes en chantant sa chanson et qu'il vente ou qu'il neige moi-même chaque soir que Je donne

entendu toi bien ma parole. Il me semble que je sais. J'appris ça jadis à l'école. C'est pas autre chose que l'abaiser. Tu crois faut essayer. Ils vont recommencer. Soit, essayons. Ils vont recommencer. S-A-D-E. A-B-C-D. S-A-D-E. F-G-H. Sapristi, sapristi, je crois, tout s'embrouille. Je ne sais pas, ah, si j'ai bien compris. Je m'aperçois que je m'arbouille. Je ne sais plus ce que je dis. Ce sont eux qu'on ne peut entendre. Si c'était nous qui nous trompions. Voyons, tâchons de nous comprendre. Je viens, tâchons, nous disions. S-R-S-T. T-P-A-H-X. S-R-S-T. Venus Adonis, gloire à vous. Le feu brûlant vos folles âmes, hélas, feu. Tenir rigar, car c'est corsa per l'onde. Io n'ho pas eu pour égaler le petit boulotte dès qu'il s'agit pas de voler. Io n'ho pas eu pour égaler le petit boulotte dès qu'il s'agit pas de voler. Io n'ho pas, io n'ho pas, no. Thank you. je suis l'insensien. Quand une alsacienne tout fait l'insensien, la main dans la sienne, chante en le riant. Top-t-il l'insensienne, top-t-il l'insensien. Juhé, das Leben ist doch eine Freude. Juhé, das Leben ist doch ein Plaisir. Juhé, das Leben ist doch eine Freude. Juhé, das Leben ist doch ein Plaisir. Je suis Alsacien. Quand une Alsacienne tout fait d'Alsacien. Je suis Alsacienne. Je suis Alsacien. Nous sommes de vrais Alsaciens. Fifez nos balades, nos vieilles chansons. Nos folles campagnes dans nos fricassons. C'est dans nos familles qu'on voit du merci. Les plus belles filles, je dois croire ainsi. C'est dans nos villages qu'on voit de tout temps. Des soeurs de ménage de nos enfants. Oui, dans nos villages, on voit de tout temps. Oui, beaucoup d'enfants. Qui, comme père et mère, chante d'une voix fière. Qui, comme père et mère, chante d'une voix fière. 音精华，声系天下。北京人民广播电台。